بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours 101 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et on est en train d'expliquer maintenant le dernier, c'est pas le dernier point, mais c'est parmi les derniers points. Puisqu'on est à la fin du livre, on va terminer ce livre-là. Et certains frères m'avaient posé la question, quand est-ce que tu vas continuer le livre de Al-Qawa'id al-Musla? Et j'ai expliqué aux frères qu'on va continuer Al-Qawa'id al-Musla aussitôt qu'on termine Aqidatu Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Donc, aussitôt qu'on le termine, on va le terminer probablement dans quelques cours. Donc, il ne nous en reste pas beaucoup, Inch'Allah. Donc, aussitôt qu'on le termine, on commence Al-Qawa'id al-Musla, Inch'Allah. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, le cours 101, on est arrivé à... parce qu'on est dans les fruits de la foi. D'accord? Et ici, maintenant, donc, le fruit de la foi dont on parle maintenant, par rapport aux fruits de la foi, c'est les fruits de la foi en Al-Kutub. Min thamarat al-iman bil kutub. Donc on a expliqué déjà la foi les fruits de la foi en Allah, les fruits de la foi en les messagers. Je pense qu'on a fait les fruits de la foi en les anges. Là on fait les fruits de la foi en les livres et après c'est les messagers. Donc on va commencer tout de suite. Le cheikh il dit: أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. Donc parmi les fruits de la foi, hein, les livres d'Allah, il y a le fait de connaître la miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a pour sa création et comment il s'est préoccupé de sa création, du fait qu'il leur a révélé, hein, il a révélé à chaque peuple un livre par lequel il les guide. Hein. Et donc ça nous montre la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas laissé les hommes, hein, errer comme ça dans l'ignorance et dans l'égarement. Il leur a envoyé des livres avec des messagers pour justement leur faire connaître la guidance et la vérité. Donc ici le cheikh il dit... pour expliquer ce premier point, il dit المؤلف يركز على ما يتعلق بالله عز وجل لأن ذلك هو أصل الأصول كلها فأصل الأصول الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله وتعظيم الله والإخبات إلى الله والتوبة إلى الله هذا أصل كل شيء. Donc ici, le cheikh Ibn Uthaymeen, il parle de lui-même en disant l'auteur, parce que c'est lui qui a écrit le charh, c'est lui qui a écrit le matin. Donc il dit, l'auteur ici, il se concentre sur ce qui a rapport avec Allah. Pourquoi? Parce que la base de toutes les bases, c'est la foi en Allah. Hein? La base de toutes les bases, c'est de croire en Allah, d'aimer Allah, de respecter Allah. D'être humble et soumis à Allah et de se repentir à Allah. Donc ça c'est la base de toute chose. Il dit ensuite وقال اولا العلم برحمه الله وعنايته بخلقه حيث انزل لكل قوم كتابا يهديهم به ولو شاء الله ولو شاء لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا لكنه لا احد احب اليه العذر من الله عز وجل حيث انزل الكتب رحمه بالعباد وارسل الرسل رحمه بالعباد قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فيتبين لنا بهذا رحمه الله عز وجل وعنايته بالخلق وأنه لم يكلهم إلى عقولهم ولو وكلهم ولو وكلنا إلى عقولنا فهل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ وكيف ولكن فلا يمكن فهل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ ولا كيف نصلي ولا كيف نصوم؟ الجواب لا، ولكن رحمنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى نهتدي بذلك إلى الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc premièrement, parmi les premiers fruits de la foi en les livres d'Allah, il y a la connaissance de la miséricorde d'Allah pour nous et du fait qu'il se préoccupe de sa création, hein, et que il a fait, et parmi les exemples de ça, la preuve de ça, c'est qu'il a fait descendre pour chaque peuple un livre par lequel il peut être guidé. Et le cheikh explique que si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait, si Allah aurait voulu, il n'aurait fait descendre aucun livre et il n'aurait envoyé aucun messager. Mais yani il dit lakinahu la ahada ahabbu ilayhi al'udhr min Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour qui l'excuse, hein, est préférée que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui aime plus donner une excuse à quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là qu'il a fait descendre pour eux le livre, hein, par miséricorde pour ses serviteurs. Hein, il a voulu donner à ses serviteurs une excuse. Hein, et il a fait descendre également, il a envoyé tous les messagers également, comme miséricorde pour ses serviteurs. Et il dit dans le verset 107, dans Sourate Al-Anbiya, à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et ça, c'est pour nous expliquer, hein, cette miséricorde et comment il s'est préoccupé, hein, de la création et des êtres humains. Il ne les a pas abandonnés tels quels, hein, il ne les a pas abandonnés à leur logique et à leur raison. Contrairement à ce que pensent par exemple les philosophes ou les koufars qui disent on doit définir tout par notre raison ou par notre logique et on doit tout découvrir par nous-mêmes. Les règles, les principes, comment les choses fonctionnent. Et donc le cheikh explique, il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas abandonnés à notre logique et à notre raison. Il nous a justement, hein, révélé tout ce qu'on a besoin de connaître justement pour être capable de vivre une vie qui est, hein, bonne. Et il dit, si c'était une question de nous ramener uniquement à se baser à notre logique, et puis on n'aurait même pas pu savoir comment se purifier, comment prier, comment jeûner, comment se rapprocher d'Allah, comment l'adorer. On n'aurait pas pu savoir ça uniquement avec la raison. Et donc, il dit, ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait miséricorde en nous envoyant les livres, en nous envoyant les messagers pour qu'on puisse être guidés par cela vers Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième explication, la deuxième raison qu'il a mentionnée, il dit « ثانياً ظهور رحمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسباً لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. » Donc ici, le cheikh, il mentionne un point extrêmement important et sur lequel il va s'attarder assez longtemps pour expliquer yani, le fruit qui découle de la foi en les livres. Et c'est un point sur lequel, comme je dis, il s'est attardé beaucoup parce que c'est très important. Et on entend beaucoup de choubouhat de la part des koufars et de la part des munafiqines à ce sujet-là. Et c'est donc important d'en parler et d'expliquer. Et c'est pour ça que le cheikh il dit ici, في كل نعم وكان خاتم هذه الكتب القرآن donc là ça signifie quoi ce passage qu'on vient de lire deuxièmement on voit un des fruits de la foi en les livres on voit par cela la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans tous ses livres pour chaque nation ce qui leur correspondait hein, comme règles comme législation et c'est pour ça que le dernier de ces livres qui est le Coran est le sceau qui vient conclure la révélation et c'est pour cette raison que il est yani c'est une révélation qui correspond à toute la création hein, toutes les créatures à toutes les époques et à tous les lieux jusqu'au jour de la résurrection peuvent se référer au Coran et le cheikh il explique ça il dit إذ الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين الأول ما يتعلق بعبادة الله والثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله وأما الثاني فتختلف اختلافا عظيما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فيشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ولذلك حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلقحون النخل والتلقيح هو التأبير بأن يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى من النخيل أو من النخل ثم يكون الثمر طيبا وإذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل فيصعدون إلى الفحل فينزلون ويصعدون إلى الأنثى فينزلون فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تكرارا وإضاعة وقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن النخل يعمل به هذا الشيء وإلا فهو يعرف النخل في القرآن في القرآن المكي ولكن قال ما أرى ذلك يجدي شيئا أو كلمة نحوها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي فقالوا الحمد لله الذي أراحنا إذن لا نصعد الفحال ولا نصعد الإناث وتركوا التأبير في تلك السنة فظهر الثمر رديئا شيصا لا يؤكل فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا ما شئتم أنتم أعلم بأمور دنياكم donc ici le cheikh il mentionne que deuxièmement donc les règles de la législation divine elles ont été révélées et elles sont venues dans tous les livres. Et les règles qui sont révélées dans ces livres-là tournent autour de deux fondements. Le premier de ces deux fondements, c'est ce qui a rapport avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième de ces deux fondements, c'est ce qui est relié à l'interaction avec les serviteurs et les créatures, comment on doit agir avec les autres. Donc ça, c'est les deux règles. Ce qui a rapport avec l'adoration d'Allah, ça c'est le premier fondement, et le deuxième fondement, comment on agit avec les autres. Et en ce qui concerne le premier fondement, il n'y a pas de divergence dans les fondements de ce premier fondement-là. Il n'y a pas de divergence entre les différents livres. Hein? Le fondement de base, c'est le même, puisque la religion de tous les messagers, de tous les prophètes, c'est l'islam et c'est le tawhid. En ce qui concerne le deuxième de ces deux fondements en ce qui concerne les règles, comment interagir avec les autres, eh bien, il y a dans ça des grandes différences d'une révélation à l'autre. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans le verset 48 dans Surat al-Ma'ida, « وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » C'est-à-dire qu'à chacun, hein, nous avons donné, hein, ou nous avons établi pour chacun d'entre vous des règles, une loi religieuse et une voie à suivre. Et donc ici, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour chacun de ses serviteurs ou pour chaque nation de ses serviteurs, chaque peuple dans les temps précédents, hein, dans les prophètes et les livres qui ont été révélés auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré pour ses serviteurs ce qui leur convenait par rapport à la religion et par rapport à leur dunya. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que les habitants de Médine, lorsqu'ils faisaient la récolte des dattiers, ils prenaient souvent pendant la période où ils voulaient, par exemple, faire la pollinisation des palmiers. Qu'est-ce qu'ils font pour faire ça? Ils montaient dans le palmier ou dans le dattier et ils prenaient la partie mâle de la fleur avec la partie femelle, puis ils les attachaient ensemble pour être sûr que la pollinisation se fasse. Et ils étaient obligés pour faire ça de monter en haut, hein, en haut de l'arbre, et descendre à chaque fois. Donc c'était long et c'était fatigant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus faire ça, il leur a dit, hein, pourquoi vous faites ça, hein, pour quelle raison est-ce que vous faites ça, yani? Il dit, je considère que ça ne sert à rien de faire ça. Et donc, lorsque les sahaba ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont dit que c'était probablement une révélation. Alors ils ont dit, alhamdoulillah, si dans ce cas-là, si Allah nous repose de devoir faire ce travail fatigant et de monter pour faire cette pollinisation, alors dans ce cas-là, c'est tant mieux, hein. Et donc ils l'ont pas fait, cette récolte-là, ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne fait pas ça? En général, les fruits qui sortent, hein, ne sortent pas bons. Ils ne sont pas des bons fruits, ce n'est pas des bonnes dates. Et effectivement, lorsque la récolte est apparue, ils ont constaté que la récolte était mauvaise et que les fruits n'étaient pas bons à manger. Hein, les dates n'étaient pas bonnes. Alors, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, faites ce que vous voulez à ce sujet, car vous connaissez mieux, hein? Vous êtes plus connaissant des affaires de votre dunya. D'accord? Donc ici on voit un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un conseil, mais ce conseil-là n'était pas nécessairement quelque chose qui était basé sur une révélation spécifique. C'était un conseil personnel qu'il donnait, hein, qu'il avait donné. Et il dit ensuite le cheikh, wal murad, hein, wal murad, a'lamu bis-sana'i' allati takunu fiha maslahatukum wa laysa bil-ahkam, fa ahkamu ash-shar'i shamilatun umur ad-din wa ad-dunya, walakin kayfa nasna' wa kayfa nuslihu فهذا كل إنسان به فهذا كل إنسان فيه أعلم بما يمارس ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم انظر إلى الشريعة وكيف شرع الله لكل إنسان ما يناسب حالهم وزمانهم قال تعالى لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, en fait, ici, c'est par rapport au hadith, pour terminer l'explication du hadith ici, Il mentionne un point à ce sujet, c'est que lorsque ils ont constaté que les dates n'étaient pas comme elles étaient d'habitude, puisqu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils faisaient d'habitude, hein, parce qu'ils ont suivi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ici, yani, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire part de la situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites ce que vous voulez, car vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Et il dit ici, le cheikh, par rapport à ça, que en ce qui concerne les métiers, hein, et yani, les travaux que vous faites, dans lesquels il y a vos intérêts, hein, vous connaissez mieux ça, ces choses-là que moi. Toutefois, en ce qui concerne les règles de la révélation et les principes de la législation religieuse, eh bien, ces choses-là, c'est clair qu'ils ne les connaissent pas mieux que le messager, puisque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui reçoit la révélation de ces règles-là. Et les règles de la révélation comprennent non seulement les affaires de la religion, mais également les affaires de la dunya. Parce qu'il y a des choses de la dunya qui sont légiférées par, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah nous explique ou nous clarifie dans ces règles-là comment gérer les affaires de notre dunya. Sauf que le comment des détails de nos affaires, comment on doit les faire, par exemple, eh bien ça, chaque personne qui pratique ce travail sait comment yani, il peut parfaire ou perfectionner son travail. Donc si quelqu'un, par exemple, il est agriculteur, il sait, il connaît les trucs de l'agriculture, hein? Et si quelqu'un est apiculteur, il sait comment gérer, hein, les abeilles et le miel. Et si quelqu'un est boulanger, il sait comment faire son pain. Et les règles de la religion, ça vient pour nous clarifier les règles de ce qui est halal et de ce qui est haram par rapport à ces choses-là. Mais en ce qui concerne le comment, du moment que quelqu'un il respecte les principes et les règles de la religion, eh bien, il peut faire les choses de la manière qu'il veut. Hein? Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ici lorsqu'il dit « Vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. » Donc il dit « Donc regarde la charia, hein, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à chaque personne ce qui lui convient et selon sa situation et selon son époque. » Et c'est pour ça qu'il dit, comme il le mentionne dans le verset 48 dans surat Al-Ma'idah, « Wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. » Donc à chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a établi ou assigné une législation et une voie à suivre. Et c'est ça qu'il veut dire ici par ça. Chaque messager, il a reçu une révélation qui lui convient et qui convient à son époque. Il dit ensuite, pour expliquer qu'est-ce qu'il mentionne par la suite au sujet du Coran et que c'est ce qui vient compléter ou conclure la révélation, il dit وَكَانَ خَاتَمُ هَذِهِ الْكُتُبِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ مُنَاسِبًا لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمَكَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْخَلْقِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كِتَابُ الْخَلْقِ كِتَابُ الْخَلْقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بينما الكتب السابقة كتب مؤقتة صالحة في زمانها ولكنها في غير زمانها غير صالحة أما هذا القرآن فصالح لكل زمان ومكان وأمة لأنه لا كتاب بعده وحيث أنه لا كتاب بعده لا كتاب بعده لابد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، لأن الناس سوف يحتاجون وسوف تتغير حوائجهم. Donc il dit le Cheikh que étant donné que ce livre est le dernier des livres et la dernière des révélations, le Coran, eh bien il doit correspondre aux besoins de toutes les créatures jusqu'au jour de la résurrection. C'est une révélation qui est applicable et qui est valable jusqu'à la fin des temps, contrairement aux livres précédents. Et donc il dit donc le Coran, il doit correspondre et être applicable jusqu'au jour de la résurrection. Il dit c'est pour ça que c'est le livre de toute la création jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Tandis que les livres précédents sont des livres temporaires qui sont valables à leur époque. Mais une fois que leur période ou leur époque sont terminées, donc elles sont dépassées, alors ils ne peuvent plus être appliqués par la suite. Tandis que le Coran, il est révélé jusqu'à la fin des temps. Donc il est valable et applicable pour toutes les époques et jusqu'à la fin des temps et pour toutes les nations sur terre. Parce qu'il n'y aura pas de livre après lui. Et du fait qu'il n'y aura pas de livre après lui, eh bien, il faut qu'il soit valable et applicable pour toutes les époques et pour tous les lieux, parce que les gens vont en avoir besoin. Et parce que leurs besoins vont changer avec le temps. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le Cheikh dit, « وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على النصوص الشرعية وأن لا يحرم على الناس مما وأن لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الإنسان من أن يمنع عباد الله مما يعمله مما يعملون بمعنى لا يتسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الأحوال حتى في الربا، فبيع الرطب بالتمر حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لكن رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس، والعرايا أن يكون رجل فقير عنده تمر من العام الماضي ويريد أن يشتري الرطب الجني اللذيذ وليس عنده مال يشتري به هذا التمر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر، وكان في الأول يقول أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فمراعاة لحاجة الإنسان رخص في بيع الرطب بالتمر مع أنه حرام، لكن تخرس النخلة أي يخرس ثمرها، يعني فيقال إذا استوى وكان تمرا بلغ 100 صاع فيعطى من التمر 100 صاع أي بقدر الرطب إذا جفه، ولا بد من هذا ليكون بيع التمر بتمر متساويا حسب الخرص فأجازه للحاجة. إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن، فإذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن للناس العمل إلا بذلك وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا فليسعنا العمل بجوازه لأن لا نضيق على الناس. وثق أنك إذا ضيقت على الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالون، لأن أكثر الناس إنما يريد أن تقضى حاجته في الدنيا ولا يهمه. وتجد مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال الدين يسر وأنت متشدد، ويبحث عن عالم آخر أسهل، وهذا هو الواقع. Donc ici le cheikh il explique une règle, hein? Il explique une règle qui est importante, c'est que il dit et lorsque quelqu'un, hein, un talib ilm, yani il est questionné à notre époque sur certains sujets qui sont nouveaux, hein, et des choses qui se sont inventées à notre époque et qui n'existaient pas nécessairement auparavant, il dit il est très important. Et ça, de façon générale, ce que le cheikh il explique à ce niveau-là ici, c'est en général des choses qui sont des questions qui sont traitées par les ulama avant tout. Parce que c'est sûr qu'un talib ilm qui est débutant dans la science, il n'est pas apte à faire ce genre de fatwa ou de répondre à ce genre de sujet en détail. Mais le cheikh il explique de façon générale comme un conseil pour les tullab al-ilm. Donc il dit s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à notre époque, et il dit essayez de votre possible de faire en sorte d'appliquer ces situations-là à des textes de la révélation. Et n'interdisez pas nécessairement tout. Ou n'interdisez pas aux gens qui ont été éprouvés par ces situations, excepté s'il y a une preuve claire pour interdire la chose en question. Et quand on dit une interdiction, une preuve de l'interdiction claire, il dit, c'est-à-dire que c'est une preuve qui va être capable d'empêcher les serviteurs de faire ce qu'ils font. Donc il dit, soyez certain que lorsque vous allez donner aux gens une règle à propos de certaines de ces situations nouvelles, de ramener ces questions à des preuves et à des textes explicites de la charia pour leur interdire si c'est interdit et de ne pas se précipiter à interdire quelque chose. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait compte de la situation des gens. Hein? Donc il ne faut pas se précipiter. Et il donne un exemple ici à propos de qu'est-ce qu'on appelle dans les livres de fiqh al-araya. Al-araya. Et il donne un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de vendre des dattes par des. Comme quand on dit des dattes fraîches, hein, les dattes fraîches et des dattes séchées. Il y a deux. Les dattes fraîches, on les appelle par un nom différent en arabe. Les dattes, quand elles sont fraîches, c'est-à-dire quand elles viennent d'être cueillies, elles ne sont pas séchées encore. Elles ne sont pas séchées, elles sont comme un fruit, comme une pomme. Hein? On les appelle rutab. On les appelle rutab. Et ça, c'est des dattes quand elles sont encore un fruit frais. Hein? Et elles commencent à être sucrées. Elles commencent à être jaunes. Et elles sont sucrées, puis elles sont croquantes. Quand on les croque, on les mange, elles sont croquantes. On appelle rotab. Et par la suite, lorsqu'elles commencent à sécher, elles deviennent un petit peu plus petites et elles deviennent encore plus sucrées. On les appelle à ce moment-là un tamar. On les appelle tamar. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, est-ce que c'est permis de vendre des rotab pour des tamar, hein, c'est-à-dire de faire le troc? Hein, et d'échanger des dattes fraîches pour des dattes séchées. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'est-ce pas que lorsqu'elles sèchent, elles diminuent en volume. Alors les sahabes ont dit oui, certes, elle diminue en volume parce qu'elle sèche, donc elle devient plus petite. Alors il dit dans ce cas-là, non. C'est-à-dire dans ce cas-là, on ne peut pas les échanger. Hein, on ne peut pas faire de troc. Et ça fait partie, les dattes, d'une des catégories, parmi les catégories d'aliments qu'on n'a pas le droit de troquer, excepté si elles sont égales et pareilles. Égales en quantité et pareilles en qualité. Naam. Donc ici, le cheikh, il explique que par contre, il y a eu une exception à cette règle-là en ce qui concerne qu'est-ce qu'on appelle al-araya. Hein? Et il dit, c'est-à-dire que lorsqu'un homme qui est pauvre, il a des dattes de l'année dernière et il veut acheter des dattes fraîches, hein, et qu'il n'a pas d'argent pour acheter, hein, ces dattes fraîches, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis dans ce cas-là d'acheter des dattes fraîches qui sont sur le dattier encore, en échange pour des dattes séchées. Donc, ça, c'est parce qu'il a tenu compte du besoin des gens. Il leur a donc permis, dans des cas comme ça, de faire ce genre de transaction, malgré que cela est haram. Il dit, par contre, il faut vérifier, il faut analyser les dattes pour être sûr. C'est-à-dire, il faut analyser les dattes supposées par rapport à la façon dont les voies se développer, comment elles vont être, et la quantité, etc. Il faut tenir compte de la quantité pour que ce soit équivalent dans le poids. Le poids doit être équivalent. Mais bien entendu, ce n'est pas garanti tout le temps parce que on ne peut pas toujours savoir comment la récolte va être à l'avance, puisque les dattes, lorsqu'elles sont sur l'arbre, hein, c'est une chose. Mais lorsqu'on les cueille par la suite, c'est autre chose. À la kulli hal, ça c'est des règles. Celui qui veut savoir les détails de cette règle ou des principes à ce sujet-là, et dans les livres de fiqh, il y a ce chapitre dans Kitab al-Buyu', le chapitre sur le commerce, ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec al-araya. Donc là, c'est pas le cheikh, il a mentionné ça ici seulement comme un exemple. Mais ce qu'il veut dire par cela, c'est ce qu'il dit par la suite. Il dit ici, il faut voir que donc dans les affaires qui ont rapport avec les transactions qui sont nouvelles et qui viennent d'être introduites dans les interactions et dans les transactions économiques que les gens ont, c'est des choses qui deviennent parfois généralisées. Donc, il faut voir dans ces questions-là. Et il dit, on n'a pas, parfois, si c'est tellement généralisé, on n'a presque pas le choix d'avoir affaire à ces situations-là ou à ces interactions-là. Donc, il dit, il faut voir que si ces interactions-là ne sont pas en opposition claire et explicite avec un texte explicite de la charia, hein? Alors dans ce cas-là, il faut utiliser cette urgence pour permettre, hein, l'application de cette interaction-là, pour pas que les choses deviennent trop étroites et trop gênantes pour les gens. Et il dit, et sois certain d'une chose, que si tu commences à rendre les choses trop étroites pour les gens dans une chose quelconque, et qu'il y a une ambiguïté dans l'interdiction que tu as mentionnée, c'est-à-dire si c'est pas clair, l'interdiction que tu as mentionnée, elle n'est pas claire, eh bien sois certain qu'ils vont, hein, ils vont faire cette interaction-là, et ils vont même faire des choses qui sont péchés, clairement interdites par la suite, et ils ne vont pas, hein, s'attarder à quoi que ce soit. Pourquoi? Il dit parce que la plupart des gens, la seule chose qui leur intéresse et la seule chose qui compte pour eux, c'est de régler leurs besoins dans la dunya. Le reste, c'est pas important pour eux. Et donc, tu vas voir, par exemple, des gens, si tu leur dis ceci est haram, hein, et qu'il voit, lui, que la situation est étroite et c'est trop, trop compliqué, trop difficile pour lui, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il va dire, ah, la religion, c'est la facilité. Et toi, tu es dur. Hein? Toi, tu es extrémiste, tu es dur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un autre savant qui va être plus facile, soi-disant, dans ces choses-là. Et le cheikh dit, c'est ça la réalité. C'est ça, malheureusement, la situation. Donc, le cheikh, il dit, « Idan, al-qa'idatu allati yanbaghi lil-muftina an yanhajuha hiya annahu idha futiha lil-nasi babun fi amrin ibtulu bihi wa laysa fi hadha al-amr. » Donc, il dit, si la règle qu'on doit suivre, si on veut, si on, quelqu'un doit donner des fatwas sur ce sujet-là, et qu'il fait partie des gens de la fatwa, il doit emprunter la voie suivante. C'est que si on voit qu'une porte a été ouverte pour les gens dans une chose dans la, par laquelle ils ont été éprouvés, et que sur cette chose-là, il n'y a pas un texte clair et explicite qui l'interdit, et que cette chose fait partie des choses que les gens ont besoin, ou bien que c'est une nécessité même parfois, alors il faut qu'il élargisse. Hein? Il faut que ce soit, il faut que cela soit une raison pour toi d'élargir la question lorsque tu leur donnes la fatwa et leur permettre cela pour qu'il donc pour que l'ordre arrive d'une manière et que eux ils se sentent en tranquillité, hein, et qu'ils se sentent rassurés, hein, lorsqu'ils le font. Ils vont pas être anxieux. Il dit falyakun dhalika, donc je vais relire le paragraphe parce que je pense que ce paragraphe là je l'avais pas lu. Donc il dit القاعدة التي ينبغي للمفتين أن ينهجوها هي أنه إذا فتح للناس باب في أمر ابتلوا به وليس في هذا الأمر نص بالمنع وهو مما تدعو إليه الحاجة تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا فليكن ذلك واسعا لك أن تفتيهم بالجواز حتى يأتوا الأمر وهم في طمأنينة ليسوا قلقين حتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات بل إن كل إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل شيئا يعتقد أنه حلال وبين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام لأن الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل لأنه يفعله وهو يعتقد أنه يفعله وهو عاص لله فيقع في قلبه الوحشة من ربه عز وجل وهو لا بد أن يفعله وإلا لقلنا اتركه ليكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب لكنه يعرف أنه لن يترك هذا الشيء إذن كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا فالأمر عندكم فيه واسع خصوصا وأننا نقول الأصل في المعاملات الحل فهذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق. Donc ici le cheikh il continue, donc je vais continuer la suite de qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer. Il dit donc la personne qui leur donne des fatwas sur ces questions sur lesquelles il n'y a pas d'interdiction explicite, il faut qu'il leur permette pour que ils se sentent en tranquillité, pour pas qu'ils ne soient anxieux de tomber dans quelque chose de haram lorsque tu leur dis ces choses-là sont des choses haram. Il dit parce que n'importe quel musulman, il voit en lui-même la différence lorsqu'il fait quelque chose en croyant qu'elle est halal et lorsqu'il fait quelque chose en croyant que cette chose est haram. Parce que dans le deuxième cas, lorsqu'il fait quelque chose qu'il croit être haram, eh bien, il va ressentir dans son cœur une noirceur, hein. Et il va se sentir dans une relation mauvaise avec son Seigneur. Et lui, il est forcé de faire cet acte-là ou cette chose-là. Il n'a presque pas le choix de le faire. Hein? Sinon, on leur dirait, hein, laisse-le. Mais, yani, subhanallah, il a entre lui et Allah un problème dans cette situation-là jusqu'à ce qu'il se repente de cet acte-là. Mais, étant donné que la situation est tellement répandue et que la chose est tellement, disons, généralisée, hein, il sait qu'il ne va pas la laisser, cette chose. Donc, il dit, toute chose qui arrive, qui est nouvelle et qui va être utilisée par les gens comme interaction, comme transaction ou des choses de ce genre, et qu'il n'y a pas de texte explicite pour le rendre haram, et que le besoin est là, hein, et que parfois même ça peut devenir une nécessité de l'utiliser, alors dans ce cas-là, il faut comprendre que l'affaire, elle est large, hein, et qu'il y a... Il y a de l'espace pour y gérer la situation. En particulier, si on prend en considération la règle qui dit que la base dans les interactions et les règles entre les gens dans les interactions et les transactions, c'est que c'est halal jusqu'à preuve du contraire. Donc ça fait partie des questions qui nécessitent beaucoup d'analyse et d'observation très méticuleuse et précise. Donc ça, c'est des sujets, hein. C'est vrai, surtout à notre époque, on le constate. Mais il y en a qui vont à l'autre extrême de ça, dans le sens qu'il y en a qui vont à un point où ils vont même rendre halal des choses qui sont explicitement haram et qui vont dire aux gens, non, il n'y a pas de problème, vous avez un besoin, alors faites-le. Donc ça, c'est l'autre extrême des gens qui vont aller, hein, à vouloir rendre halal des choses haram. Et il y a l'autre extrême, des gens qui, n'importe quelle chose, même s'il n'y a pas un texte explicite qui l'interdit, mais directement, ils vont rendre tout haram. Donc, il faut comprendre que non, ce n'est pas comme ça. Il faut respecter les choses et respecter les règles et les principes et en même temps, ne pas chercher à rendre les choses trop étroite pour les gens. Après, le cheikh, il dit, donne d'autres exemples encore. Il dit, فَمَثَلًا هَذِهِ الْأَوْرَاقُ النَّقْدِيَّ الَّتِي نَتَعَامَلُ بِهَا يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ فِيهَا رِبًا إِطْلَاقًا لَا رِبًا نَسِيئَةً وَلَا رِبَ فَضْلٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِ خِلَافٍ بَعْدَ أَنْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْأَوْرَاقُ وممن عالج هذه المسألة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس عروض مطلقا يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا وصرحوا تسريحا بالغا فقالوا لا ربا في الفلوس لأن الفلوس نقد ولكن ليست ذهبا ولا فضة إذن فالأوراق هذه نقد وليست ذهبا ولا فضة ولو قال قائل أريد أن تطبق كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا ليس فيها ربا وأنا أقول هذا مذكرا وليس مقررا وإلا فأنا أرى أنه يجري في هذه الأوراق ربا النسيئة فقط أما ربا الفضل فلا اللهم إلا أن تكون من نقد مثل دراهم سعودية بدراهم سعودية فأنا أتوقف فيها يعني مثال ذلك لو أعطيتني مئة من فئة عشر وأعطيتك تسعة من فئة خمسة، فهنا كلها أوراق، وقيمة المئة من الورقة ذات العشرة هي قيمة المئتين من فئة خمسة، فهذه المسألة أتوقف في أن تعطيني أقل من قيمتها في نظام الدولة. أما نقد سعودي بنقد مثلا مصري أو سوداني أو شامي أو عراقي أو غير ذلك فلا بأس ولو تفاضل، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. وشيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون يدا بيد أيضا، فلو أعطيتني مثلا عشرة ولم تأخذ عوضها إلا العصر، لكن الممنوع هو التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، ولكني أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. يعني سبحان الله، أقول هذا من أجل أن لا تعجب إذا قال بعض الناس الآن هذه البنوك لا ينكر عليها لأنها لا تتعامل بذهب وفضة، والتي نص الشرع على أنه يجري فيه الربا فيها الربا هي الذهب والفضة، بل تتعامل بأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر فيها العلماء أن ليس فيها ربا. لكني أقول ذلك مذكرا لا مقررا، وإلا فأنا أنكرها. فالواجب على الإنسان أن يبني فقهه فيكون فقيها فقيها، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه، وليس فيه نص واضح على المنع والتحريم. أما إذا كان فيه نص على المنع والتحريم فوالله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم ولقلنا هذا حرام. فاعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن شيء ليس فيه نص في التحريم والحاجة أو الضرورة داعية إليه وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل، فيجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. وإنما أطلنا الكلام في هذا لكنه نافع، لأنه في الحقيقة أصل من أصول الفتية. كثير من الناس يكون ظاهريا في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط. أوكي، maintenant on va traduire ou on va essayer de traduire cette partie. C'est très intéressant, très bénéfique. Et c'est des sujets, le cheikh il mentionne des choses, il dit je mentionne ça juste pour, je mentionne seulement cela comme un rappel, mais pas pour dire que je suis d'accord avec ça. Au contraire, il dit je suis pas d'accord, mais il dit je le mentionne juste comme un rappel pour qu'on soit conscient de que ces choses-là existent. Donc il dit par exemple, les papiers monnaie qu'on utilise aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il y a certains ulama qui disent qu'il n'y a pas de riba dans ça. Ni riba al-nasi'a, ni riba al-fadl. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de riba dans, ils disent, dans les papiers monnaie qu'on utilise aujourd'hui. Il dit, il y a des ulama qui disent ça, c'est une question de divergence parmi les divergences des ulama Et cette divergence, elle s'est produite quand les papiers-monnaies ont été introduits, lorsque les papiers-monnaies sont apparus. Et il dit, parmi les ulamas qui ont traité de cette question, et qui en ont parlé beaucoup, de façon très approfondie, il y a le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. Il en a parlé dans son livre Al-Fatawa al-Sa'diyya. Et il dit, c'est suffisant de mentionner seulement ceci à propos de ce sujet-là, et de dire que pour les fuqaha, les savants de fiqh du madhhab al-Hanbali, rahimahumullah, ils ont dit que les papiers-monnaies, hein, eh bien, c'est... ils disent qu'il n'y a pas de riba dedans. Il n'y a pas de riba par rapport à ces choses-là. Et ils ont dit ça de façon claire et explicite. Il n'y a pas de riba pour les papiers-monnaies et la monnaie en tant que telle. Ils disent parce que ce n'est pas de l'or ni de l'argent. Ils disent que les textes qui ont interdit le riba, c'est à propos de l'or et de l'argent. Et ça, c'est ni de l'or ni de l'argent. Donc, hein, les papiers-monnaies qu'on emploie aujourd'hui ne rentrent pas dans ce qui a été mentionné par rapport au riba. Et ils disent, si une personne, par exemple, disait, moi, je veux appliquer la parole des fuqaha telle qu'elle est dans les livres des fuqaha al-Hanabila au sujet de ces papiers-monnaies, eh bien, on dirait dans ce cas-là, il n'y a pas de riba dans le papier-monnaie. Il dit, je dis ça seulement pour rappeler, hein, comme un rappel ou comme pour mentionner la chose, mais pas parce que je suis d'accord. Il dit, parce que sinon, il dit, moi-même, je considère que le riba al-nasi'a s'applique, hein, et non pas riba al-fadl. Et riba al-fadl, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait le troc entre deux choses. Pareil, hein, il ne doit pas y avoir de différence en quantité ou en qualité ou en poids. Hein. Comme par exemple ici, il dit le cheikh riba al-nasi, ah, c'est quoi? C'est quand on fait une différence dans le temps, par rapport au temps. Donc si par exemple tu dis à quelqu'un, bon, prête-moi 1 000 $, prête-moi 1 000 $, puis quand je te remets avec intérêt. Hein, je te remets plus. Ça, c'est riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il vient avec des dates, hein, et il dit, bon, toi, tu as des dates de l'année passée, moi, j'ai des dates fraîches. Donc, toi, tu veux des dates fraîches, hein, ou des dates de cette année. Alors, tu m'amènes 2 seaux de dates, ou 2 boîtes de dates de l'année passée, en échange pour 1 boîte de dates de l'année de cette année. Donc ça, c'est riba al-fadl. Riba al-fadl, parce qu'il y a une différence de quantité entre les deux. Et ça, c'est pas permis. Et riba al-nasi'a, il dit, c'est ça que je vois qui existe par rapport au papier-monnaie, hein, par rapport au prêt avec intérêt, par rapport au temps. Et en ce qui concerne le riba al-fadl, par rapport au papier-monnaie, il dit, je ne vois pas ce genre d'exemple-là par rapport au papier-monnaie, excepté si quelqu'un, par exemple, il fait une différence entre les différentes monnaies de même pays. Par exemple, si quelqu'un il disait, par exemple, bon, moi j'ai des, supposons qu'on parle des euros ou des dollars, quelqu'un, par exemple, il a des dollars canadiens, par exemple, il a des billets de 20, donc, pour faire 100 euros, 100 euros, il a, par exemple, 5 billets de 20. Et l'autre, il a, par exemple, 10 billets de 10. 10 billets de 10 et l'autre, il a 5 billets de 20. Les deux font 100. Les deux font 100, que ce soit des dollars ou des euros, si... Si, par exemple, il dit, bon, moi, je te donne 4 billets de 20 pour 10 billets de 10. Donc, je te donne 4 billets de 20 pour 10 billets de 10. Il va dire, non, ça ne marche pas parce que là, c'est deux valeurs différentes. c'est pas équivalent. Donc, je peux pas te donner quelque chose qui est pas là équivalent, sinon c'est du riba. Mais il dit en dehors de ça, c'est dit si tu veux échanger des dollars saoudiens, des rials saoudiens pour de l'argent égyptien ou de l'argent soudanais ou de l'argent syrien ou de l'argent irakien ou de l'argent canadien ou autre, il dit qu'il y a une différence entre les deux, ça dérange pas. Du moment que c'est échangé main à main. Et il dit notre cheikh Abdurrahman al-Saadi, lui, il considérait que même si c'était pas main à main, c'était pas grave. Il dit qu'est-ce qui était interdit, c'était qu'il y ait un délai entre les deux. Mais le cheikh, il dit, je considère que la position de notre cheikh Abdurrahman al-Saadi à ce sujet-là, elle est à revoir parce que s'il permet qu'on le prenne pas main à main, ça veut dire qu'il permet un délai. Donc il dit, à la kulli hal, il dit le cheikh, je considère que riba nasi'a existe dans les papiers monnaie, mais pas riba al-fadl. Après, il termine en disant, il dit, soyez pas étonnés d'entendre ça. Il dit, moi je vous le dis, c'est pour que vous soyez pas étonnés si vous entendez que des gens disent que, par exemple, il n'y a pas de riba dans les papiers monnaie aujourd'hui. Il dit, il y a des banques, il y a des gens aujourd'hui qui disent, par exemple, ah, mais les banques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Il faut pas le condamner parce que ils interagissent pas avec de l'or et de l'argent, ils interagissent seulement avec du papier monnaie. En voulant dire, c'est pas des vraies valeurs, hein? C'est pas des vraies valeurs et des choses de ce genre. Donc, ils interagissent avec de l'argent, des papiers monnaie, et il n'y a pas de riba dans ça. Et il y a des ulama qui ont dit ça. Donc, il dit, moi, je vous le dis pour vous le mentionner et non pas pour approuver ça. Parce qu'il dit, à la base, moi-même, je suis contre ça. Ceux qui disent ce genre qui ont cette position-là. Mais il dit, c'est obligatoire pour les gens de baser leur fiqh sur une compréhension réelle, hein, une compréhension profonde, et d'analyser les sujets avec une compréhension complète des choses, et non pas de façon, voir les choses juste de façon superficielle. Et de savoir également les choses que les gens ont vraiment de besoin, les choses qui sont vraiment nécessaires pour les gens, et il dit les besoins qu'ils ont, et de voir s'il y a un texte clair et explicite qui l'interdit ou qui le rend haram. Alors, il dit, s'il y a un texte explicite qui rend quelque chose haram, alors il dit, par Allah, même si toute la terre entière, hein, nous demandait de le faire, eh bien, on leur obéirait pas. Parce qu'on leur dirait, non, ça c'est haram. Faites ce que vous voulez. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui veut mécroire, qu'il mécroie. Mais, hein? Du moment qu'une chose a été mentionnée comme étant haram, moi, Yanni, je le dis, comme ça c'est haram, c'est haram. Il dit, sauf que s'il y a quelque chose, il n'y a pas un texte explicite pour le rendre haram, et que les gens, ils ont le besoin, ou il y a même une nécessité qui incite ou qui appelle les gens à faire cette chose-là dans les interactions, eh bien, il faut savoir qu'à la base, les choses, hein, elles sont halal jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un texte explicite qui l'interdise. Et il dit donc qu'il est obligatoire de méditer là-dessus et de trouver une issue pour les gens. Il dit, on a parlé longtemps de ce sujet-là, il dit, j'ai un peu prolongé la parole sur ça, et il dit, mais de toute façon, c'est pas grave parce que c'est bénéfique. Et il dit, il faut comprendre donc que c'est une réalité parmi les fondements, des fondements de la fatwa, que beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas. Et ils sont parfois sur la position du madhhab al-dhahiri, hein, par rapport aux paroles des ulama sur ça. C'est-à-dire qu'ils rejettent le qiyas et l'analyse et l'analogie. Et ils ne tiennent compte de rien. Hein, ils ne regardent pas les besoins des gens et les nécessités. Et ils disent ça, c'est incorrect. À la kulli hal, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera au prochain cours la suite des bienfaits ou des fruits qui découlent de la foi en les livres. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.